On va parler de l'émission de Kevin Gilmore. C'est probablement la dernière entrevue qu'on va faire sur ce sujet-là. On a parlé avec Jérémy Filosan, on a parlé avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com également. Là, on va faire un peu le bilan ou encore la réaction des gens des Ultras parce qu'évidemment, ça a fait parler beaucoup la semaine passée. Les Ultras ne sont pas en reste. On sait que les Ultras ont fait. Il était à couteau tiré avec Kevin Gilmore. Quoi qu'il en soit, on va parler avec Alexis Gagnon-Goulet, qui est notre ultra de la région. Salut, salut Alexis. Salut Danny, encore une fois. J'ai pensé à toi quand on a eu une nouvelle. Ben moi, j'ai eu quelques. La première chose, j'ai dit enfin, l'impact va probablement revenir. Et dans un deuxième temps, ben, j'ai pensé aux Ultras. Je ne suis pas fâché du tout, du tout, du tout de voir Kevin Gilmore partir. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Ben, on l'est. J'ai jamais été pas d'accord hein, depuis le début. On n'a jamais lâché le morceau. Puis alors, puis là, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent depuis que la démission a été prononcée. Là, des gens qui n'étaient pas en accord, mais qui étaient peut-être sous toute réserve Bayonnais. tenus au silence. Là. Oui, bien souvent, là. Donc, toi, penses-tu que l'impact va revenir? On est encore loin de là. Le premier OK. défi, c'est de réussir à ce que M. Gilmore se quitte parce que c'était rendu insoutenable, je pense, pour un peu tout le monde. Nous autres, on ne démordra pas. On aimerait ça que le nom Impact revienne. Mais je pense que là, de plus en plus, il va y avoir des possibilités d'ouverture à rediscuter avec le groupe et qui écoute ces groupes de supporters. Je veux dire, discuter avec le club, pardon, qui écoute ces Ouais. groupes de supporters et qu'on puisse faire de quoi. C'est qui ressemble beaucoup plus. Je dis pas, je veux pas qu'on revienne 100% en arrière, mais c'est sûr que l'impact, ça fait partie de l'histoire puis du nom de l'équipe. Puis là, c'est Ben, c'est parce moins. qu'à un moment donné, tu dis je ne veux pas revenir en arrière, mais c'est une erreur. Le nom Impact, c'est comme les Expos, c'est comme c'est comme les Nordiques. Le Canadien, c'est une autre histoire, c'est comme les Alouettes. C'est vraiment ancré dans l'histoire du Québec, là. C'était pas le problème, c'était jamais été le problème du nom, là. Personne n'avait demandé ça, là. Non, ben, pour rester poli, je pense qu'au début, au lieu d'être une erreur, on aurait pu appeler ça vraiment une décision très douteuse, mais qui s'est Ouais. transformée en erreur par la suite des choses, là. Je pense qu'il y avait eu une mauvaise lecture du marché, peut-être un peu du support qu'on aurait ou de l'appui qu'on aurait là, de la part des autres gens dans le stade, mais officiellement, on peut qualifier ça d'erreur. Penses-tu que s'il aurait tenté de vous parler, d'être plus conciliant, parce que vous n'êtes pas les seuls, là, ceux-là qui sonnent la cloche, il y Le avait parti. 1642. Le 1642 fait partie également. Celui-là qui organisait les voyages à l'extérieur également était parti. Donc, c'est pas rien que les Ultras, là, tout de suite. Quand tu as un groupe, tu peux dire, ben, c'est peut-être le groupe qui est problématique. Mais quand c'est plusieurs, il faut se poser des questions. Penses-tu que s'il aurait été plus conciliant, aurait été à l'écoute, on aurait pu éviter tout ça? C'est sûr que quand il y a place à la discussion, Danny, il y a place à compromis. Puis, je veux dire, c'est Hein? toujours mieux de faire la sourde oreille puis de se faire sortir là, de toute discussion ou décision par rapport au club ou à ce que ça apporte aux supporters. Alors, comment je pourrais dire? Je sais pas. Okay. Alexis, si on parlait un peu, tu penses qu'il a été forcé de démissionner ou il a démissionné? Ça ressemble beaucoup à un « Voudrais-tu démissionner, s'il vous plaît? » Ça va être Ouais. beaucoup moins compliqué pour tout le monde. Oui, surtout. Mais c'est quand même surprenant pareil que ça a été fait 3 jours avant la fin de la saison. Le timing était mauvais. T'sais, ça aurait été fait cette semaine, ou à la fin de la saison, au bilan de la saison, et ainsi de suite, puis ça aurait été correct, là. Il fallait que ça presse à quelque part. Ben, je pense que c'est la période de renouvellement des billets de saison, là. C'est sûr que ça a dû jouer parce que, il y avait de moins en moins de gens là, qui avaient l'intention de se réabonner comme membre de saison. En plus de ça, je pense là, que son temps était venu, là. Il y avait sûrement Ouais. plusieurs tensions dans les bureaux, comme on a entendu, là. OK. Du côté des Ultras, la réaction, c'est quoi? À part, c'est-tu pas mal tout unanime? C'est-tu pas mal tout comme toi? Ouais, on est pas mal tous contents, effectivement. Ouais, Je peux pas OK. dire que j'ai vu quelqu'un qui était déçu, là. C'était lui, pour nous, c'est l'unique personne. On n'en a pas après les joueurs, on n'en a pas après l'organisation. C'est tout le monde, mais je veux dire, là, le problème, c'était lui. Il est arrivé, il a fait à sa façon. C'est comme tu disais tantôt, avoir eu de la place à la discussion, OK. on aurait peut-être trouvé un terrain d'entente, là. OK. Alexis, As-tu regardé au profil de ce qui devrait être le prochain président? Moi, j'ai un nom. C'est sûr qu'il ne fait pas l'unanimité parce que beaucoup de monde pense à corruption. Moi, j'ai avancé le nom de Denis Coderre, qui serait un excellent président, à mon avis, parce que, bon, il y a des entrées dans les domaines des communications, des entrées dans les différents paliers de gouvernement. C'est un gars qui s'exprime bien. C'est un gars qui aime le soccer également. Est-ce que lui va vouloir, c'est une autre affaire, là, mais ce serait un gars comme ça, un Larry Smith également, un genre de Larry Smith, là. Un gars qui est sympathique, Oui. un gars qui aime le football, qui a des entrées, ça court pas les rues, là, puis qui est connu. Ben, un soupçon de transparence de plus, puis on pourrait regarder ça, là. C'est sûr que s'il gère les affaires du club, comme il gère un peu ses trucs en cachant ce qu'il fait son affaire, Ouais. puis tout. Ça se peut que ça marche pas, mais tu vois, je n'avais jamais pensé à ce nom-là, là. Honnêtement, il y a une option plus populaire, tu sais, qui est Patrice Bernier, mais Patrice je suis Bernier, qui, as-tu des mettons, dire que c'est contacts dans le domaine des communications? C'est sûr que le domaine sportif, c'est correct, mais c'est pas juste une question de prestige. A-t-il des entrées dans le domaine des affaires, dans le domaine gouvernemental? C'est beaucoup de. C'est pas juste une question de sport. Bref. Alexis, on va parler un peu de hockey également, parce que tu joues pour la construction de l'avenir. Il y a une belle bataille, 5 gardiens de but, c'est énorme ça? Aucun entraînement. Oui, mais je veux dire, je trouve ça bien aussi, là. C'est la preuve que c'est la plus belle position. Puis Étais-tu en uniforme en fin de semaine? non, j'étais à Gatineau avec le hockey scolaire, alors c'était deux OK. autres gardiens. Je dirais, j'ai pas vu de mauvais gardien là. Ça fait que OK. si on a la. Mais de J'étais toute pas dans la façon, ligue de ça en là. prend, c'est du senior, donc ça prend pas mal de joueurs pour faire l'année là, avec une équipe, là. C'est effectivement du stuff de senior, là. OK. As-tu vu des belles choses au camp d'entraînement? Ben, ça reste du senior. On n'était pas une tonne aux pratiques, mais honnêtement, ceux qui étaient là, puis il y a du monde qui sont engagés aussi à être présents, même si ce n'est pas toujours facile. Je pense qu'on a une super bonne offensive. Ils l'ont prouvé samedi soir en comptant 12 à Saint-Bruno. Puis je pense, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est vraiment un bon groupe, là. C'est tous des bons individus. Puis j'étais un peu le papy là-dedans là, à 39 ans. Là, ça fait que. OK, donc t'es le mononcle Ouais, un mon oncle. On peut dire mon oncle. Mais je pensais que tu demeurais à Saint-Bruno, moi. Hein? Donc c'est pour ça que. Parce que tu as déjà demeuré à Saint-Bruno, hein? Non, jamais. OK, J'étais mal renseigné sur mes allées et venues. donc je pensais que tu demeurais à Saint-Bruno, donc c'est pour ça. Donc tu t'alignes pour Dolbeau-Missisilis parce que tu demeures à Robert-Val, c'est ça? Ben, c'est prioritairement pour les adresses d'hockey mineur jadis, comme j'ai joué ici quand j'étais jeune ado. Je pourrais rester au Japon en ce moment, puis j'appartiendrai à Dolbeau quand même. OK. Ben, Alexis, on va suivre le dossier de près. J'ai hâte de voir j'ai l'impression que ça va être assez tôt. Ça va être nommé assez tôt parce qu'il y a la campagne des billets de saison qui est en cours. Il y a également, on va vouloir jouer cette tour qu'il a déjà mentionné qui ne voudrait pas assumer l'intérim. Donc, on est déjà à la recherche d'un président. J'ai l'impression que d'ici une couple de semaines, ça va se faire. Donc, peut-être qu'on va avoir l'occasion de se parler. Oui, peut-être qu'à ce moment-là, on aura des nouvelles à savoir est-ce que la section va revenir l'année prochaine, Ouais, est-ce qu'on ouais, va ouais. réintégrer le stade, est-ce que la J'espère, longue parce attaque que, va revenir. écoute, à quelque part, vous êtes le. C'était l'impact, je l'ai toujours dit, c'est pas le Canadien. Hein. Donc, ils n'ont pas à se comporter en arrogant, ils ont à être à l'écoute de leur clientèle, ils ont à développer les régions, chose qui n'a jamais été faite avec l'impact de Montréal. Non, ça c'est bien certain, mais je veux dire, je Ouais. pense que c'est la pièce maîtresse à. Je veux pas dire tasser, c'est pas ça qu'on veut pendant tout, mais il n'y a rien qui aurait bougé tant que M. Gilmour était là. Surprenant Puis. pareil qu'il n'y a pas de développé région, qu'il n'y a pas de région parce que c'est un gars de région, donc il est natif d'Arvida, donc c'est surprenant ça aussi. Je pourrais pas commenter pour cette partie-là. Là. Je sais qu'il a travaillé pour des gros marchés. Peut-être que c'est au travers de tout ça. Hein. Tu Peut-être que développes les des régions sont façons de faire. parties dans sa tête là, aussi. Non, peut-être bien. Hein. OK. Ben, Alexis, on s'en reparle bientôt. Yes, je veux juste Alexis, souligner en terminant. J'espère que oui. tout ça montre un peu qu'il y a eu beaucoup de faussetés dites sur notre cas. Là. Ça fait qu'il y avait beaucoup d'histoires dernièrement qu'on a lues. Puis je pense qu'on a eu de la chance dernièrement là, de prouver. On était présent au match hier de l'extérieur du stade. Je pense Ouais. qu'il y a bien des gens qui ont vu qu'on était loin d'être les supposés fascistes ou les Ben, il y en hooligans a qu'on partout est. en Europe des ultras, là. Donc, c'est pas. Oui, mais ça, Ouais. c'est international. Ouais, effectivement. Ben, merci beaucoup, on s'en reparle. Ça fait plaisir, Danny. Alexis Gagnon-Goulet qui nous parlait de probablement la dernière entrevue qu'on fait sur le dossier Kevin Gilmour avec lui, avec Kevin Gilmour qui a démissionné la semaine dernière. Merci, fait qu'on se repasse, je t'envoie ça. Je t'envoie ça à Merci tes chums. beaucoup. OK, c'est beau, salut. Bye.